On va parler de tennis. C'était les internationaux de d'Australie qui battent son plein en Australie. On en parle avec notre spécialiste de tennis, Caroline Delisle. Salut, Caroline. Oui, bonjour. Caroline, d'abord, on va commencer avec Denis Shapovalov. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'on peut parler d'apprentissage dans le cas de Shapovalov? Ben, l'apprentissage, oui et non. Là, c'est sûr que la dernière fois, il avait quand même vaincu Tsonga en 3-7. Bon, c'est certain qu'il est jeune encore, puis ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sur le circuit. Il nous a déjà montré de très belles choses dans la dernière année. Fait que c'est certain que les attentes dans son cas sont quand même assez élevées, je dirais. Autant là, pour les amateurs puis les fans, si on veut. Puis il y a beaucoup de monde hein, qui l'aime parce qu'il est très charismatique, puis il y a beaucoup de talent, puis il est le fun d'avoir joué. Puis je suis certaine que lui, il devait être très déçu aussi d'avoir perdu parce qu'il a vraiment échappé le match. Là. Il naît dans le cinquième set avec bon la chance de finir le match deux fois au service. Ouais. Malheureusement, bon ben c'est ça, Tsonga, c'était échappé avec la victoire. Mais écoutez, il y a quand même des points positifs. Puis dans son cas, je pense qu'il est en constante progression quand même. Puis c'est certain qu'il va avoir des fois des défaites comme ça crève-cœur de son côté. Puis oui, ça fait partie aussi de l'apprentissage évidemment d'un joueur de tennis de haut niveau. On va espérer par contre que bon la prochaine fois qu'il y a l'occasion justement de servir pour le match, qu'il va pouvoir réussir ben à oui. son match de la bonne façon parce que. Bon, des fois, ça fait partie de la confiance. Hein. Là, on voyait qu'il était un petit peu nerveux. Il y a peut-être un mélange de fatigue aussi à travers tout ça, parce que bon, c'est sûr que dans un match serré comme ça, ben, on travaille fort au niveau mental aussi, au niveau physique. Fait qu'on voyait là, qu'il était peut-être un petit peu là, bon, nerveux là, vers la fin, avec des mauvaises erreurs, des trucs comme ça. Mais écoutez, c'est comme ça qu'il va apprendre, c'est comme ça qu'il va continuer de progresser. Fait qu'on va espérer là, une belle année 2018 dans son cas là. Ben oui, c'est effectivement. Donc, dans le cas de Eugénie maintenant, Eugénie qui avait bien commencé, avait battu Océane Dodin et la Française qu'on avait vu, je pense, même au Challenge Banque Nationale, si je ne m'abuse là. Dans son cas, elle, ça avait bien commencé. Par contre, Simona Halep, qu'on disait blessée, finalement, n'a fait qu'une bouchée d'Eugénie. Oui, ben là, c'est certain qu'elle n'avait pas un match quand même facile. Hein. On peut dire que, bon, son premier match, elle a joué de l'excellent tennis. Tout le monde a dit, là, waouh, Eugénie joue bien, bon service, tout ça, des bons échanges. Bon, c'est sûr que contre Halep, considérant qu'elle est quand même première au monde, c'est pas facile, là, première favorite, tournoi, tout ça. Fait qu'elle savait qu'il fallait qu'elle joue encore mieux si elle voulait avoir une chance de peut-être la battre. Fait que ça n'a pas été le cas, hein. Malheureusement. Ça a été pas mal à sens unique. Elle n'a pas connu beaucoup de succès au service, contrairement à son premier match. Et puis, bon, un peu trop de fautes directes aussi, ce qui fait que, bon, elle n'a pas vraiment été dans tout le long du match. Mais, il y a quand même eu des choses positives dans son cas là, lors du premier match. Fait que peut-être qu'elle va réussir à bâtir là-dessus, puis essayer de retrouver un peu de confiance. Parce qu'écoutez, elle n'avait pas gagné de match, là, je pense, depuis 6 mois. Là. Je ne suis pas certaine de ça, là, mais un truc comme ça, fait que. C'est pas évident là, dans son cas parce que quand tu gagnes jamais, ben, à un moment donné, tu descends au classement aussi. Puis là, avant ouais. peut-être 120, 130, fait que t'es plus là, pour plus faire partie des tableaux principaux, il va falloir qu'elle passe des fois par les qualifications, ce qui n'est pas chose facile parce que c'est une jungle. Hein? Il y a beaucoup, ouais. beaucoup de joueuses et de bons joueurs. Puis, c'est certain que dans son cas, on dit tout le temps la même chose. Hein. Faudrait qu'elle augmente un petit peu la puissance au niveau de son service, qu'elle soit un petit peu plus efficace là, de ce côté-là, parce que le reste de ses coups, c'est quand même pas si mauvais, dans le sens que, mais on voit qu'elle a quand même des lacunes dans son jeu. Donc, c'est sûr que les autres joueuses, à un moment donné, ils viennent, qui en profitent, hein, et ils connaissent un peu son style de jeu, puis bon. Écoutez, je suis persuadée qu'elle travaille très fort, par contre. Parce que ben oui, parce que j'écoutais Simon Larose cette semaine au 91.9, qui est un gars de Tennis Canada, et il disait que dans le cas de son nouvel entraîneur, elle dit d'y aller avec moins. Il travaille pour qu'il y ait moins de technique puis plus d'instinct. Ouais, c'est ça, ça se peut. Oui, c'est sûr que là, rendu là, hein, la technique, oui, on peut améliorer des choses, mais c'est un tout, hein. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, je suis persuadée que c'est ça, là, qu'ils vont travailler des choses là, spécifiques qui vont pouvoir peut-être l'amener à un autre niveau, qui vont peut-être, faire en sorte qu'elle va pouvoir remonter le classement. Mais dans son cas, c'est ça. Je pense que c'est ça y prend des petites victoires. C'est dire, bon, là, regarde, j'ai gagné un match en Australie là, la semaine d'après. Je vais essayer d'en gagner. Je vais essayer de. Bon, puis le calendrier du tournoi est quand même assez chargé. Fait que c'est sûr que ça va être à eux autres à voir là, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire là, pour choisir les bons tournois puis aller aux bonnes places pour peut-être gagner en confiance. Ben, effectivement. Est-ce que. Raonic, dans son cas. Ben là, Raonic, écoutez, c'est désolant un petit peu. Hein, on voit là, qu'il est un petit peu diminué. Là. Bon, il a été blessé la dernière année. C'est pas facile en tout cas là, de revenir vraiment. Là, on sent là, qu'au niveau peut-être physique aussi, là, il y a peut-être un petit peu de retard là, sur certains autres joueurs. Puis, bon, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de jeunes loups, là, des jeunes ben joueurs oui. qui sont bons. Puis, il n'y a pas de match facile hein, en réalité. C'est toujours difficile. Puis, dans son cas, ben, s'il ne sert pas bien ou il sert un petit peu moins bien, il se fait briser le service une fois, ben, ça devient un petit peu plus difficile. Bon, c'est certain que dans son cas, les attentes sont assez élevées aussi. Hein. On a des espoirs là, qui redeviennent dans les top 5 au monde. Donc là, il dégringole un petit peu au classement aussi. Bon, on connaît les raisons, mais écoutez, de son côté, je suis persuadé aussi qu'il met les bouchées doubles, qu'il travaille très fort, puis qu'il veut là, redevenir au même rang où est-ce qu'il était là, dans les dernières années. Et même plus, mais c'est sûr, ce sera pas facile. On le voit là que tu sais, il y a beaucoup de bons joueurs. Puis c'est pas évident là, tu sais, d'un tournoi à l'autre d'être au sommet tout le temps, comme les Federer, les Nadal, tout ça qu'on voit là de tout le temps là, se rendre loin dans le corridor, tout ça. En tout cas, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Ouais. C'est certain que s'il peut au moins éviter d'être blessé en 2018. Il a baissé, non, il a donc bien baissé tout d'un coup, tu sais, il était quoi, il était 7-8e l'année passée, puis là, il était rendu 22e la dernière fois que j'ai regardé. Ouais, ben c'est sûr que quand, tu sais, ça dépend, là, j'ai pas vu vraiment tous les points qu'il y avait à défendre, mais écoutez, c'est pas long, là, tu sais, quand tu performes bien dans un, deux, trois tournois, puis que l'année d'après, tu protèges pas, ben là, tu descends, hein. L'important pour lui, je pense, c'est comme je disais, c'est de rester en santé, continuer à travailler fort, puis miser beaucoup sur son gros service. Écoutez, le potentiel est là, fait qu'il va retrouver un petit peu de forme puis de confiance aussi dans son cas. Là. Ouais, OK. Donc, ça se poursuit très, très prochainement. Comment tu vois le reste du tournoi pour ailleurs? Ben, écoutez, on peut voir encore les grands... Ouais, hein? Non, c'est embêtant. C'est sûr qu'il y a eu quand même quelques surprises, mais écoutez, on va voir parce qu'il y a tellement de bons joueurs autant d'un côté que de l'autre. Les deux tableaux hommes et femmes, il peut y avoir des surprises encore. Bon, c'est sûr qu'on s'attend à ce que Nadal puis Federer continuent leur chemin, évidemment. Les femmes vont à Alep quand même du bon tennis. Wozniacki a quand même eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des surprises aussi. Je pense que le tableau est quand même assez ouvert. Écoutez, on peut peut-être voir des nouveaux champions, nouvelles championnes. On sait jamais, mais on va espérer en tout cas qu'on ait du bon tennis jusqu'à la fin. Là. Comme je vous dis, c'est embêtant, il peut tellement arriver de choses. Puis, ben oui. Il y a la chaleur aussi qui peut jouer, facteur blessure, facteur tout ça. Fait qu'on va attendre de voir, mais écoutez, moi je miserais pas plus sur un que l'autre. Là. Je pense que si on a droit de très bons matchs, qu'à la fin, les gens vont être très satisfaits. OK. Karine Denis, on s'en parle à la fin du tournoi d'Australie. Bon, pas de problème, ça me fait plaisir. Notre spécialiste de tennis, Caroline Delisle.